Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les cinq de Central Park. Y'all don't really understand what we went through. People called us animals. There's no amount of money on earth that will restore our youth back. Kevin Richardson est l'un des cinq jeunes qui ont été faussement accusés et reconnus coupables à tort du viol de Patricia Maley le 19 avril 1989 à New York. En juin 2014, au moment où la ville de New York a offert une compensation de 41 millions de dollars à ceux qu'on a appelés les cinq de Central Park, Kevin Richardson ne comprend toujours pas comment on a pu l'accuser et l'envoyer en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. On nous a traités d'animaux et on nous a volé notre jeunesse, disait-il dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Kevin, c'est ça? Je t'ai vu cette nuit au commissariat. Toi, t'es qui? Raymond. Je me demandais qui était Raymond. Moi, je sais rien de toute cette histoire. Un flic m'a frappé au parc. Je l'ai vu faire. Moi, c'est Tron. Ça veut dire que c'est toi, Tron? Ouais. Je t'ai accusé, mec. Je suis vraiment désolé. Non, t'en fais pas. J'ai dû faire pareil. Ouais. Moi aussi, nous a obligés à mentir. Pas vrai? Extrait de la télésérie When They See Us, une série dramatique inspirée de l'histoire des cinq de Central Park, série réalisée par Ava DuVernay et diffusée en 2019 pour nous raconter l'histoire des cinq de Central Park, pour nous expliquer aussi ce qui a conduit à cette monumentale erreur judiciaire. Je reçois Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour, Jacques. Ça donne le ton, ce qu'on vient d'entendre. C'est horrible, cette histoire que vous allez nous raconter. Quelle place elle occupe, cette affaire des Central Park Five, les cinq de Central Park, dans les annales judiciaires aux États-Unis? Bien, en fait, d'abord, c'est un des crimes les plus médiatisés des années 80 parce qu'on est à New York, qui est une ville très violente, où il y a des tensions raciales assez fortes et où les relations entre la police et les minorités ethniques sont à leur plus bas, si on veut. Donc, on a déjà un mélange un peu dangereux qui se produit. Et en plus, c'est évidemment une erreur judiciaire, une des plus graves qu'on a vues dans l'histoire américaine. Donc, mauvais travail de la police, erreur judiciaire, tensions raciales, ville violente. On a vraiment tous les ingrédients là, pour un mélodrame. Donc, c'est une histoire, vous l'avez dit, très dramatique pour la victime, Patricia Maley d'abord, et ensuite pour ses victimes collatérales, que sont les cinq accusés de Central Park. Et ça va se faire, cette histoire-là va évidemment être très suivi médiatiquement au moment où elle se produit, mais va laisser des traces par la suite, là, des traces culturelles, si je puis dire. Ça sera repris, cette histoire-là. Oui, bien sûr, on va en faire des films, des livres, on va discuter de ce sujet-là, ça va devenir un code d'école, donc le code des cinq de Central Park est vraiment devenu, fait partie de l'imaginaire collectif américain aujourd'hui. Ouais. Vous l'évoquez un peu, il y a un contexte très particulier dans ces années 70-80 à New York, des tensions très très fortes, tensions raciales, tensions entre les policiers et certaines communautés. Parlez-nous de ça, pour qu'on comprenne bien au fond comment on peut en venir à cette accusation erronée de ces cinq jeunes hommes en 1989. Parlez-nous un petit peu de ce contexte, de cette violence extrême qui existe dans ce New York des années 70-80. À quoi ça ressemble, ce New York-là, sur le plan de la criminalité? Quelquefois, on voit des images dans des films ou dans des livres de ce qu'était New York dans les années 70-80 et on a peine à y croire parce qu'on voit vraiment des quartiers extrêmement délabrés, des gens qui sont laissés à eux-mêmes, une criminalité rampante. Il faut dire que l'économie ne se porte pas tellement bien dans les années 80 à New York, mais partout aux États-Unis aussi. Ce sont des décennies qui sont violentes pour toutes sortes de raisons. La criminalité est élevée, la drogue circule, les forces de police sont débordées, mais aussi les relations sont tendues, on le dit, en raison de ces ces relations très difficiles entre les forces de l'ordre et les communautés qui sont aux États-Unis. Et il y a des problèmes économiques aussi, bien sûr, qui vont venir aggraver les facteurs de pauvreté. Pour vous donner peut-être un indice de comparaison, en 1988, l'année avant cette affaire des cinq de Central Park, il y a près de 2000 meurtres qui se produisent à New York. Aujourd'hui, on parle d'à peu près 300 meurtres qui se produisent par année. Donc, on est vraiment là ailleurs. On est vraiment dans une période extrêmement violente où de grands pans, en fait, de la ville ne sont même plus patrouillés par les policiers parce qu'on se dit ça sert à rien, il y a trop de criminels, ça vaut pas la peine d'y aller, de faire des interventions. Donc, on est vraiment dans cette situation-là lorsque se produisent ces événements. Ouais. C'est le 19 avril 89 que débute cette affaire des cinq de Central Park. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là, Karine Prémont? Bien, c'est une femme de 28 ans, Patricia Mellé, qui va se faire attaquer alors qu'elle fait du jogging dans Central Park. Il faut dire que Central Park est vu à ce moment-là comme une espèce de terrain neutre, de lieu démocratique où tout le monde peut aller. Alors, on ne se méfie pas, malgré la violence de la ville. Elle sera attachée, battue très violemment, violée, laissée pour morte essentiellement dans un boisé de Central Park. Et elle sera découverte à 1h30 du matin, au petit matin du 20 avril, encore vivante, mais comme elle a perdu à peu près 75% de son sang, on la prend pour morte, là. On se dit, ce sera un homicide, on va traiter ça comme un homicide parce qu'elle va mourir, visiblement. Ce soir-là, le soir du 19 avril, ce qui se passe, c'est qu'il y a un groupe d'à peu près 30 jeunes afro-américains et hispano-américains, essentiellement, qui se promènent à Central Park. Et là, il y a du grabuge pas mal. Il y a plusieurs cyclistes, des joggeurs, des couples qui se promènent dans Central Park, qui rapportent des agressions à la police en disant « il y a un groupe de jeunes qui se promènent, qui nous ont tabassés, qui nous ont insultés, qui nous ont fait tomber de vélo ». Donc, au moment où Patricia se fait agresser et qu'on la découvre, il y a déjà des jeunes qui sont au poste de police parce que les policiers ont fait un raid dans Central Park après ces plaintes de victimes. Ouais. Et parmi les jeunes gens arrêtés, il y a Kevin Richardson, qu'on a entendu au début de l'émission, et Raymond Santana. Ces deux jeunes ont 14 ans au moment de leur arrestation. On les soupçonne d'être liés à ce groupe qui fait du dégât dans Central Park. Alors, on les questionne là-dessus pendant plusieurs heures, sans avocat, sans parents, sans témoins. Et là, alors qu'ils sont là et qu'on découvre Patricia Mellis, on se met à les interroger sur cette agression-là. Ça va mener à l'arrestation d'autres jeunes le lendemain, en lien à la fois avec les attaques du groupe de jeunes et l'agression de Patricia Mellé. Une douzaine en tout seront formellement accusés d'avoir agressé des gens dans Central Park. Au final, quatre jeunes, en plus de Richardson et Santana, seront liés à la tentative de meurtre de la joggeuse. On parle de Steven Lopez, qui a 14 ans aussi, Youssef Salam, qui a 15 ans, Antron McCray, 15 ans, et Corey Wise, 15 ans. Lopez sera finalement uniquement accusé des crimes contre les marcheurs à Central Park, mais les cinq autres, les cinq de Central Park, eux, seront accusés formellement par la police le 21 avril pour l'agression contre Patricia Mellé. Et on va révéler leur nom publiquement alors que ce sont des mineurs. Ouais. Il n'y a que Corey Wise, 16 ans, qui va être traité comme un adulte, mais en principe, on doit protéger l'identité des mineurs. Ce ne sera pas le cas ici. Et c'est pour ça qu'on va en faire toute une histoire. Ouais. Notamment en raison de l'âge des accusés. Et déjà, à cette étape donc de l'arrestation et des accusations qui vont suivre très vite des cinq de Central Park, on est dans le début de ce grand dérapage judiciaire que sera cette affaire-là. Comment on peut en venir encore une fois à ce genre de dérapage? On écoute à ce propos la réalisatrice de la télésérie Wendy Sias, Ava DuVernay, à l'émission Democracy Now! En juin 2019 et l'un des cinq de Central Park, Youssef Salam, en entrevue au réseau ABC en mai 2019. From the moment that you saw the clip where the boys acknowledged that they've lied on each other. À partir du moment où on a vu le clip dans lequel les garçons ont admis avoir menti au sujet des autres, aucun d'entre eux n'a ensuite redit qu'ils avaient commis ce crime. Ils ont maintenu leur innocence pendant des décennies et ils ont tous vécu de grandes souffrances en prison à cause de ça. Great hardship in prison and in detention because of it. If you take an individual that's 15 years old. Si vous prenez un jeune de 15 ans, que vous le mettez dans une pièce, seul, avec deux, quatre, six officiers de police, dont quelques-uns qui veulent clairement l'attaquer, ce jeune en sortira terrifié. C'est comme si on vous posait un fusil sur la tempe. It could be almost tantamount to someone having a gun to your head. You know, it's not hard to believe that there are five black and brown boys somewhere being. Vous savez, ce n'est pas difficile de croire que cinq garçons noirs ont pu être interrogés puis enfermés injustement. Aujourd'hui même, il y a des gens derrière les barreaux qui sont là uniquement parce qu'ils ne peuvent pas payer leur caution. Savez-vous que la majorité des gens qui sont en prison présentement dans ce pays n'ont jamais eu de procès? Le système n'est pas brisé, il a été conçu comme ça. Alors, il est important pour nous de bien le comprendre pour pouvoir le démanteler et ensuite le reconstruire. Sincèrement, je ne pense pas que ça se produira au cours de ma vie, ni au cours de la vôtre. Mais ce travail est important. Il faut continuer de parler de ce qui s'est passé ici, dans le but d'atteindre notre objectif, qui est de bâtir un monde nouveau dans lequel ce type d'événement ne se produirait plus. Bon, cette histoire, l'histoire des cinq de Central Park, c'est vraiment l'un des plus mauvais exemples d'administration de la justice de toute l'histoire des États-Unis, Karine Prémont. En même temps que c'est très symptomatique, et la réalisatrice Ava DuVernay en parlait dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est très, très symptomatique ce qui s'est passé à ce moment-là du système judiciaire américain à la même époque. Comment la police de New York, avec le recul, ça paraît grossier, comment la police de New York en vient-elle à arrêter puis à accuser les cinq de Central Park? Mais d'abord, on se rend compte qu'il y a des agressions dans Central Park. On a arrêté quelques jeunes qui ont été identifiés comme appartenant au groupe qui ont commis des agressions. Puis on apprend qu'il y a une joggeuse qui est agressée. On se pose pas plus de questions. On a déjà les coupables et on va essayer de voir comment on peut leur faire coller ce crime-là sur eux plutôt. Évidemment, les conditions d'interrogation sont problématiques, à tout le moins. Je l'ai dit tantôt, ils se font interroger sans avocat, sans parents, sans témoins, sans gardien. On les empêche de manger, de boire, d'aller aux toilettes, de dormir pendant 18 heures consécutives. Et comme on l'a entendu, les policiers leur disent, bien, écoutez, certains de vos compagnons vous ont accusé, alors si vous voulez réduire vos peines, vous devez vous aussi les accuser. On l'a entendu dans l'extrait aussi au début de l'émission. Donc, moi, je t'ai accusé, mais je te connais pas. On m'a juste dit qu'il fallait que je le fasse parce que visiblement, tu étais là et si je te dénonce pas, bien, c'est moi qui sera accusé à la place. Et dans le contexte des tensions raciales qui existent aux États-Unis et des liens difficiles avec la police, on comprend que pour ces jeunes Afro-Américains, se faire interroger par des policiers blancs qui sont très intimidants, bien évidemment, ça crée un sentiment de panique et on va avouer. Et même les parents de ces jeunes-là vont leur dire, écoutez, il faut coopérer parce que sinon, on n'a pas fini d'avoir des problèmes. Alors, on va essayer de régler les choses à mesure. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on obtient des aveux. Les aveux ont été obtenus, en fait, de 4 des 5 inculpés. Et ces aveux ont été filmés. Ça va évidemment leur nuire pendant le procès, mais pourtant, malgré ces aveux, on se rend compte que le viol a eu lieu à un autre endroit complètement que celui que les jeunes ont identifié. Leurs versions se contredisent les éléments matériels, les rares éléments matériels qu'on a, parce qu'en fait, on n'a pas de trace ADN de la victime sur les vêtements des accusés. Il y a un cheveu non identifié dans les sous-vêtements de Richardson, mais on n'est pas capable de conclure s'il appartient ou pas à Patricia Maley. Donc, on a des aveux obtenus par la contrainte, on a peu d'indices matériels, mais on a des jeunes sous détention qu'on soupçonne d'avoir été à Central Park au moment du crime. Alors voilà, on boucle l'affaire, c'est terminé. Ouais. Je reviens à ce que vous disiez, mais c'est tout le drame de cette affaire-là. On fait des recoupements, on se pose pas trop de questions, et même quand il y a des éléments de réponse, parce qu'on veut trouver un coupable, des coupables rapidement, et oui. Même quand il y a des éléments de réponse, des contradictions dans les récits, le mauvais lieu, le lieu du viol qui n'est pas celui dont les jeunes parlent, on ne veut pas voir ça, parce qu'il faut rapidement trouver un coupable. On le disait au tout début de l'émission, Karine Prémont, cette histoire-là, évidemment, elle va être très, très suivie à l'époque. Ça nous amène à parler de la réaction des Américains au moment des faits. On écoute à ce propos le réalisateur du documentaire Central Park 5, Ken Burns, à l'émission de George Strombolopoulos en 2012, de même que Donald Trump lui-même en entrevue à l'émission de Larry King en 1989, au moment où se produit l'affaire. Hier soir, une femme qui faisait du jogging dans Central Park a été retrouvée inconsciente et partiellement déshabillée. Elle avait été battue et agressée sexuellement. Une femme qui joguait dans Central Park. Central Park, c'est un lieu sacré. C'était le crime du siècle. Et autant les personnes en position de pouvoir que les médias qui faisaient circuler l'information ont agi comme des prédateurs sauvages. C'était le même langage que pour les lynchages de Jim Crow, et non le langage d'une ville progressiste et moderne. Patrick Buchanan, un chroniqueur conservateur, a même dit qu'on devrait prendre le plus vieux d'entre eux, en parlant de Corey Wise qui n'avait que 16 ans, et le pendre dans Central Park pour servir d'exemple à tous les autres. They should take the oldest of them, meaning Corey Wise, who was 16, and hang him in Central Park as an example to everyone else. Cinq jeunes ont été arrêtés sur la 96e rue, tous âgés entre 14 et 15 ans. Je suis fortement en faveur de la peine de mort. Je voudrais aussi que l'on redonne les pleins pouvoirs aux forces policières. Parce que n'importe quel avocat expérimenté qui représente les gens ayant eu des démêlés avec la justice dit ouvertement que la première chose à faire est de hurler contre la violence policière, etc. Et si on posait la question autrement? Nous ne savons pas qui a commis ce crime. Et c'est la Cour qui décidera qui est le vrai coupable. Seriez-vous alors en train de juger à l'avance les personnes arrêtées? Non, je ne les juge pas à l'avance. Je ne parle pas que de ce cas en particulier. Je dis que s'ils sont jugés coupables, que si la dame succombe à ses blessures, ce qui, je l'espère, ne se produira pas, mais si elle meurt, je pense qu'ils méritent la peine de mort et je pense que la plupart des gens sont d'accord avec moi là-dessus. Est-ce que l'article disait bien « si » parce qu'il aurait pu y avoir une erreur et quelqu'un aurait pu être arrêté à tort? Eh bien, vous pouvez écrire n'importe quoi. Je veux dire, c'est un article assez long, très détaillé, mais vous pouvez aussi choisir n'importe quelle autre interprétation. Alors, comment vont réagir? C'est intéressant ce qu'on vient d'entendre, d'autant que ça met en scène, puis on va en reparler dans un instant avec vous, Karine Prémont, Donald Trump. Mais comment réagissent les Américains à cette affaire? Quel genre de couverture aussi est fait de cette affaire des cinq de Central Park à l'époque? En fait, une des raisons qui va précipiter le travail de la police, c'est évidemment la pression des gens, parce que, on l'a dit, Central Park, c'est un lieu où les gens se promènent plutôt librement, en fait, où on n'a pas beaucoup de crainte, contrairement à ce qui se passe quand on est dans le reste de la ville. Alors, de se faire attaquer comme ça, en plein parc, ça crée un sentiment de panique et de peur assez extraordinaire. Donc, évidemment, les gens vont réagir. On a trouvé des coupables, tant mieux, c'est terminé. Donc, il y aura une espèce d'aveuglement volontaire aussi autour de ça. Mais les médias vont assurément alimenter cette affaire-là, parce que très rapidement, on va parler d'une meute de loups, on va parler d'animaux assoiffés de sang qui écument le parc à la recherche de victimes. Et tout ça est lié aussi à un concept élaboré par un professeur de Princeton qui parlait à l'époque des gens qui étaient des super prédateurs, donc des gens vraiment qui se promenaient dans les lieux publics, qui traquaient des victimes potentielles pour les battre pour le plaisir, voire les tuer pour le plaisir. Et ça avait évidemment aussi contribué à la panique ambiante et justement la crainte ambiante. Et même les journalistes les plus réputés ont suivi un peu ce bateau, ont mis de l'huile sur le feu. Et si je peux me permettre de citer le respecté Pete Hamill, qui est décédé d'ailleurs au début du mois d'août 2020 du New York Post, il disait que ces jeunes proviennent d'un monde de crack, d'armes à feu, de couteaux, d'indifférence et d'ignorance et n'avaient qu'un seul objectif, briser, blesser, voler, piétiner, violer. Les ennemis étaient riches, les ennemis étaient blancs. Donc, on avait déjà un présupposé raciste à l'égard de ces jeunes-là. Et évidemment, Donald Trump qui arrive, qui en rejette, qui va payer en mai 89 une publicité pleine page dans les quatre principaux quotidiens new-yorkais dans lesquels il va dire « Il faut rétablir la peine de mort pour ces gens. Je déteste ces tueurs. Je ne veux pas les comprendre, je veux seulement les punir. » Et justement, dans cette entrevue de CNN, il va dire que la haine est peut-être la seule chose dont nous avons besoin pour que les choses se fassent. Et on comprend peut-être mieux sa stratégie de campagne de 2016, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, mais c'est quand même dans ce climat-là que s'ouvrent les procès. Il y en aura deux, les procès de ces accusés des cinq de Central Park. Le premier procès, donc, commence en juin 90, et puis un deuxième procès va suivre l'automne de la même année. Comment se déroulent les procès, Karine Prémont? Bien, en fait, ils sont rapidement trouvés coupables du viol, de l'assaut, de l'agression, pardon, contre Patricia Maley dans les deux procès séparés. Seul Kevin Richardson va être trouvé coupable de tentative de meurtre, mais pour les autres, ils sont coupables de tous les chefs d'accusation. Ils auront comme peine la peine la plus sévère qu'on peut imposer à des mineurs, entre 5 et 10 ans de détention dans un pénitencier, sauf Corey Wise, qui avait 16 ans au moment des faits, donc jugé comme un adulte, qui lui va recevoir une peine à ce moment-là entre 5 manqué 15 ans dans une prison pour adultes. Maylie va témoigner, mais elle ne se souvient de rien. Elle a de graves traumatismes, de graves séquelles, donc elle ne se souvient pas de l'attaque, elle ne se souvient pas de ses agresseurs non plus. Les jurés vont dire, ben, les témoignages des jeunes manquent de crédibilité, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais on accepte les preuves matérielles qui nous ont été soumises. Il y a un cheveu suspect dans les sous-vêtements de Richardson. L'ADN est non concluant, donc on n'est pas capable de disculper formellement les accusés. Il y avait de la boue sur leurs vêtements, alors qu'il y a des activités criminelles dans le parc et ils s'y trouvent. Donc, on va faire un amalgame, encore une fois, malgré que les jeunes aient dit, on a fait des aveux sous contrainte, sous menace, malgré que les organismes de défense des droits des accusés ont dit « voilà une erreur judiciaire ». Donc, il y aura aussi des appels qui seront faits par 4 des 5 accusés, mais les verdicts seront maintenus. Et les 5 de Central Park vont purger l'entièreté de leur peine, seront remis en liberté conditionnelle. Salam, Santana et McRae vont faire 6 ans de détention, Richardson 7 ans et Wise 13 ans de prison, sera libéré en 2002. Et il va avoir été prisonnier dans certaines des prisons les plus difficiles des États-Unis, dont Attica et Rikers Island. Et il a été notamment très éprouvé par son séjour en prison. C'est lui qui a été peut-être le plus touché par son séjour en prison. Il a été régulièrement tabassé par les autres détenus en raison de la nature de son crime. Mais il y aura, on revient au tout début de l'émission, on entendait Kevin Richardson réagir au moment de cette décision de la ville de New York en 2014 de compenser, d'offrir un dédommagement de 41 millions de dollars aux 5 de Central Park. Qu'est-ce qui mène finalement la ville de New York à cette décision-là? Parce qu'en 2001, il y a quelqu'un qui a confessé le crime, Mathias Reyes, qui est un violeur en série, qui a rencontré Corey Wise dans une des prisons, en fait, à 2 reprises dans les prisons où Corey Wise était incarcéré. Il s'est confié aux autorités, il a dit « c'est moi qui ai agressé Patricia Maley ». Et effectivement, on s'est rendu compte avec les preuves ADN que c'était vrai. Il avait, il faut dire, violé une autre femme 2 jours plus tôt, à peu près au même endroit. Mais comme on avait considéré le cas de Maylie comme un homicide, parce qu'on craignait qu'elle ne décède et que les crimes de Reyes étaient considérés comme des crimes sexuels, c'est 2 services différents. On n'a jamais croisé les informations, donc Reyes n'avait jamais été inquiété. Et pourtant, cet été-là, Reyes a réussi à violer 4 femmes à peu près au même endroit. Il en a tué une. Et donc, on s'est rendu compte, après enquête, que l'ADN, finalement, il faut dire aussi que les tests d'ADN étaient plus précis aussi dans les années 2000 que dans les années 80. Donc, on a pu démontrer que l'ADN trouvé sur les vêtements et le corps de Maylie appartenait à Reyes. Le modus operandi était le sien. La chronologie, les lieux correspondaient davantage à ce que les cinq de Central Park avaient présenté. Donc, on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait les mauvais suspects et le procureur de New York a annulé les charges retenues contre les 5 de Central Park, les a disculpés de toute accusation. Mais Reyes n'a pas pu être accusé de ce crime contre Patricia Maylie parce qu'il y avait des lettres de prescription. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, merci beaucoup. Merci. Si vous voulez écouter ou rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.